Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce colloque et en particulier à ce panel. Donc tout d'abord, un grand merci aux organisateurs. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie d'un travail de thèse qui est encore en cours. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire deux mots sur mon parcours, histoire de situer ce travail de thèse. Voilà, par ailleurs, je recycle un petit peu des slides d'une conférence précédente, donc je vous invite à ne pas trop y prêter attention, c'est vraiment pour donner un support visuel, et par ailleurs, c'est en anglais, donc voilà, ça, je m'excuse par avance pour ceux qui ne comprendraient pas le français, ça ajoute quelque chose. Voilà, donc je suis en deuxième année de thèse en sociologie, donc voilà, comme Carlo l'a dit, dans un laboratoire qui s'appelle le LIS, au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et mon travail de thèse est dirigé par la sociologue Isabelle Berryby-Hoffmann. Et alors en ce moment, et ça va faire un an environ jusqu'en mars 2024, j'ai fait partie du programme de fellowship de l'Institute for the Cooperative Digital Economy, qui est l'organe de recherche du consortium de coopérativistes de plateforme monté par Trevor Scholz il y a 10 ans environ. Donc voilà, étant dans ce réseau, j'ai participé à la conférence annuelle de ce consortium, donc, voilà, avec d'autres personnes ici présentes. Voilà, c'est un consortium annuel qui réunit nombreuses fondateurs, fondatrices de coopératives de plateforme et des chercheurs sur le sujet. Donc voilà, je pense qu'on pourrait prendre en soi ce réseau comme un terrain de recherche qui servira à comprendre comment circule le modèle de coopérativisme de plateforme à différentes échelles, notamment internationales, mais voilà, j'ouvre un peu des pistes de recherche aussi pour comprendre comment ce mouvement s'est formé. Mais bon, je ne développe pas plus là-dessus. Et j'ai plutôt une formation en économie, un petit peu en philosophie, mais là, ma thèse a un fort ancrage disciplinaire en sociologie, donc elle a une dimension empirique assez importante qui s'appuie sur une enquête de terrain, ethnographique en l'occurrence. Et donc, c'est un cas d'étude empirique qui fait partie de ce terrain que je vais vous présenter aujourd'hui. Et voilà, donc, il s'agit de l'Open Food Network, pour résumer en deux mots, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 2012 en Australie. Et qui développe et distribue ce qu'elle appelle un commun alimentaire global ou un commun numérique alimentaire, qui est une plateforme au logiciel open source qui permet d'organiser des circuits courts alimentaires. Donc il ne s'agit pas seulement d'une plateforme d'intermédiation marchande entre producteurs et consommateurs, ni seulement d'une sorte de place de marché en ligne. C'est aussi vraiment un outil qui est censé être mis au service des producteurs et des opérateurs de circuits courts alimentaires, donc qui peuvent prendre diverses formes. Et je vais pas développer là-dessus, on pourra en discuter par rapport à la taille du réseau, au flux que ça représente en termes de vente de produits alimentaires. Et donc, voilà, comme j'ai dit, c'est une recherche qui est encore en cours et je ne suis pas tout à fait à bout de mon enquête. Voilà, donc je m'excuse par avance des frustrations qui sont surtout les miennes, hein, que pourraient susciter des non-réponses, voire des réponses uniquement partielles. Voilà, je ne suis pas à bout de l'analyse, ni de mon enquête, ni de l'analyse des données récoltées jusqu'à présent. Mais le but néanmoins reste, à ce stade, de donner à voir le contenu, ou du moins une partie du contenu d'une dite alternative au capitalisme de plateforme, donc dont les contradictions qui la traversent, afin de questionner sa qualité d'alternative, sa désirabilité, mais aussi son potentiel de transformation sociale. Donc, voilà, il s'agit surtout de questionner la viabilité et l'autonomie de ces alternatives en les situant dans le paysage institutionnel dans lequel elles s'ancrent, donc soit le rapport à l'État et au marché en particulier. Et en général, j'espère aussi que le cas d'étude que je vais vous présenter aujourd'hui peut permettre aussi de questionner en quoi une telle alternative participe ou non à bah, cette initiative d'exit, bah, pour reprendre voilà, le terme d'Elweishman et enfin, qui a été utilisé dans la proposition, enfin, dans la présentation de ce colloque. Voilà, donc, ouais. Mon sujet thèse en général, c'est sur bah, les nouveaux dispositifs numériques, organisationnels et sociaux des circuits courts alimentaires, donc avec une dimension comparative entre la France et les États-Unis. Et mon terrain donc, est constitué de plusieurs plateformes numériques dites alternatives, donc organisées autour des communs ou du commun et de modèles coopératifs, donc en France et aux États-Unis, et ça donc, bah, dans le domaine des circuits courts alimentaires. Et donc, comme vous le verrez, il s'agit là de traiter à la fois, enfin d'alternatives à la fois dans le domaine du numérique et des plateformes en particulier, et dans le domaine de l'alimentation. Donc, pour commencer, enfin pour contextualiser pardon cet objet de recherche, je voulais dresser quelques éléments peut-être un petit peu schématiques à ce stade, mais voilà, le but est aussi de créer, de faire une socio-histoire de ces nouveaux dispositifs de circuits courts alimentaires. Voilà, et les placer aussi dans le cadre des transformations du capitalisme, de plateformes entre autres dans les secteurs agricoles et alimentaires. Donc voilà, on pourrait dire qu'à l'instar des secteurs bah, relativement bien documentés du logement et de la mobilité, les entreprises de plateformes sont aussi entrées de manière de plus en plus visible dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Et voilà, si je peux donner seulement quelques exemples à travers l'ensemble de la filière alimentaire, donc de la production à la consommation en passant par la transformation et la distribution, on peut évoquer bah, tout l'ensemble des objets connectés, donc qui relèvent de l'Internet des objets, donc capteurs, GPS, imagerie satellitaire ou à haute résolution, voilà, qui commencent à recouvrir bah, un ensemble grandissant du vivant et des machines utilisées en agriculture. Il y a aussi l'essor de l'agtech. Il y a un exemple qui est donné par Nick Smerchek dans Capitaliste de plateforme, qui est bah, Tesco, un des géants de la distribution alimentaire, qui a fait appel à une entreprise de plateforme utilisant l'intelligence artificielle pour créer des profils personnalisés de ses clients et ensuite partir de là, faire un programme de fidélité et proposer un service de livraison à domicile. Il y a tout un tas d'autres exemples voilà, de plateformes dans le glanage aussi, dans l'aide alimentaire. Je mentionne évidemment toutes les plateformes de livraison de repas. Mais moi, celle qui m'intéresse plutôt, c'est donc les plateformes de vente de produits bio ou locaux, enfin, dans une veine soit anti-gaspillage ou circuit court, justement. À mon avis, il y a de plus en plus d'exemples dans le cas français et aux États-Unis. Et donc, voilà, dans tous ces exemples, on peut retrouver le triptyque robotique, génétique, numérique d'une troisième révolution agricole que bah, les défenseurs d'une certaine agroécologie plutôt techno-solutionniste, ou alors qu'une classe politique, représentée voilà, par des dirigeants comme Emmanuel Macron, c'est lui que je cite en parlant de ce triptyque robotique, génétique, numérique. Voilà, c'est une forme de troisième révolution agricole, telle qu'ils l'appellent et qu'ils appellent de leur vœu. Mais bah, c'est tout un ensemble d'exemples qui, il convient de regarder comme des manifestations d'une nouvelle forme de capitalisme, de plateforme entre autres, qui transforme les systèmes agroalimentaires à la fois notamment dans les pays des Nord, mais aussi dans les pays des Sud, où on voit effectivement se façonner de nouveaux espaces de captation de valeur, de nouveaux rapports de domination, donc entre ces deux pôles, entre autres, mais aussi entre le capital et le travail, mais aussi voilà, de nouveaux rapports entre les humains entre eux, et entre eux et la terre et le vivant. Donc, dans le sillage d'une littérature sur les food regimes en anglais ou les régimes alimentaires, on peut voir dans ces transformations l'émergence d'un troisième régime alimentaire qu'on pourrait qualifier de néolibéral, où notamment d'une part on observe une influence accrue du capital financier et du numérique sur les systèmes agroalimentaires, mais d'autre part aussi l'émergence d'alternatives et de résistances face à ces transformations, donc qui relèvent plutôt d'un mouvement contre-hégémonique hein, par rapport au système agroalimentaire dominant. Et le but de cette recherche, c'est de contribuer à l'étude de ces mouvements alternatifs et de résistance dans les systèmes agroalimentaires, évidemment à la croisée des transformations de l'économie numérique, en nous intéressant à une des composantes de la chaîne alimentaire, qui est celle des circuits courts alimentaires. Donc, et en particulier à travers l'étude d'un cas de plateforme dite alternative qui est l'Open Food Network. Et voilà, et juste pour donner, parenthèse, une définition des circuits courts alimentaires, parce que il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de variantes du terme, notamment quand on le traduit en anglais, en fait, il n'y a pas tellement d'équivalents, mais bon, pour parler d'un même objet, je donne une définition qui est à peu près celle que le ministère de l'Agriculture en France donne en 2019. C'est donc des circuits de vente directe de produits alimentaires entre producteurs, producteurs, productrices et consommateurs, consommatrices via un intermédiaire au maximum, avec éventuellement une faible distance géographique qui les sépare. Donc voilà, juste un mot sur ma méthodologie. Donc ça fait environ un an que j'ai entamé cette monographie de l'Open Food Network, en comparant en particulier ses branches françaises et états-uniennes. Donc ma méthodologie est plutôt inspirée de la sociologie économique, de la sociologie du travail et des organisations, mais aussi des food studies. Je pourrais en dire deux mots peut-être dans la discussion de ce champ de recherche. Donc c'est une méthodologie qualitative qui s'appuie sur la collecte de données d'entretien semi-directives, d'observations non participantes pour l'instant, participantes peut-être si l'occasion se présente, et de recherche sur archives, en ligne notamment. Donc à ce jour, j'ai conduit 16 entretiens avec des membres de l'équipe de l'Open Food Network, ainsi qu'avec des usagères de la plateforme en France et aux États-Unis. J'ai aussi pu échanger en visioconférence avec des membres de la branche du Royaume-Uni, ainsi qu'avec 3 personnes qui sont en train de développer la plateforme en Inde et en Serbie. Et voilà, pour l'instant, j'ai fait une seule observation de distribution d'un maraîcher opérateur de circuits courts qui utilise la plateforme en Île-de-France. En matière d'archives, je m'appuie sur les statuts d'entreprise, des règlements intérieurs, des lignes de code que je comprends pas trop, des données en libre accès, à propos des finances du réseau, des offres d'emploi, des publications sur les réseaux sociaux, etc. Et aussi des fils de discussion sur Slack entre des membres du réseau. Et là, je ne sais pas si Vangelis est toujours parmi nous, mais j'ai pu m'appuyer sur du travail de recherche un travail de recherche et notamment des transcriptions d'entretiens qui ont été menés par d'autres chercheurs et chercheuses, dont Vangelis, sur ces réseaux et qui ont été partagés sur ces fils de discussion. Et aussi un dernier mot pour dire aussi sur quoi ma contribution par rapport à ce qui a été fait avant. Ce que je fais là, ça permet aussi normalement d'actualiser et de prolonger un des cas d'étude qui avait été entamé dans le cadre du rapport TAPAS, que Corinne Berchet-Chaptal, qui parlera tout à l'heure, a dirigé, et en particulier d'une monographie qui avait été faite sur Open Food France. Donc, cette monographie comparée des branches états-uniennes et françaises de l'Open Food Network, dont les plateformes sont respectivement organisées selon des modèles associatifs et coopératifs, porte sur plusieurs thématiques, dont la viabilité économique de ces plateformes, donc notamment en matière de financement, des diverses sources de financement, d'organisation et de valorisation du travail, donc tout ça dans un contexte de concurrence. Je m'intéresse aussi au rapport de ces plateformes avec les pouvoirs publics, ainsi que leur inscription dans des réseaux à des échelles allant du local au global. Donc juste pour le noter, l'Open Food Network, c'est quand même un réseau qui se revendique en tant qu'alternative au monopole de la grande distribution alimentaire, et qui, pour ce faire, entend changer l'échelle des circuits courts alimentaires en développant notamment enfin des communs à l'univers numérique, et en particulier l'interopérabilité des données entre les diverses plateformes existantes. Donc non seulement celle qui est développée par le réseau, mais aussi d'autres plateformes qui existeraient dans ce même domaine. Donc voilà, il y a ce projet d'infrastructure numérique décentralisée dans le secteur de l'alimentation qui, voilà, selon, enfin, tel que je l'observe là, est un terrain pour des nouveaux jeux de concurrence et de coopération entre acteurs publics et privés. Voilà, c'est aussi le lieu de négociations avec les pouvoirs publics au sein d'institutions nationales et globales, et c'est un des aspects de ce cas que j'essaye d'élucider. Mais voilà, par souci de temps et aussi pour éviter de donner une présentation purement descriptive de ce cas, je souhaiterais simplement développer deux points, donc voilà, qui à mon avis font aussi écho aux présentations qu'on a eues précédemment. Et donc voilà, ces deux points traitent des enjeux liés à la viabilité économique de cette plateforme dite alternative et de ses branches en France et aux États-Unis. Donc pour ça, je me pencherai en particulier sur leurs modèles économiques respectifs et les contextes de concurrence dans lesquels elles se déploient. Pardon. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, donc, c'est il est en rapport aux enjeux de passage à l'échelle de ces plateformes de circuit court alimentaire. Donc sans rentrer nécessairement dans les débats stratégiques et conceptuels qui entourent cette notion de passage à l'échelle, même si je pense que ça pourrait être intéressant d'en discuter, je vais simplement vous présenter, si j'ai le temps, un ou deux projets que l'Open Food Network soutient dans le sens du passage à l'échelle des plateformes de circuit court alimentaire, à savoir donc ce projet d'interopérabilité des données et éventuellement plutôt dans le sens d'un passage à l'échelle qui va vers l'ouverture et l'inclusion sociale des circuits courts alimentaires et de telles plateformes. Je parlerai éventuellement des différents modèles de tarification sociale qui sont mis en place via les plateformes de ce réseau. Donc premier point sur la viabilité économique des plateformes, c'est aussi un point sur lequel j'ai décidé d'insister parce que, forcément, je suis relativement en début de recherche, il y avait énormément de questions qui m'intéressaient, mais du point de vue des personnes que j'ai enquêtées, donc, dont les membres du réseau Open Food Network, mais aussi donc, du côté des producteurs et des productrices qui vendent en circuit court alimentaire, la question de la viabilité économique apparaît comme un des enjeux majeurs auxquels ces personnes font face. Donc voilà, comme je l'avais dit, la plateforme de l'Open Food Network en France a un statut coopératif. Donc en particulier, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et aux États-Unis, c'est un statut particulier qui existe là-bas, mais c'est en gros une association. Donc c'est deux plateformes qui dépendent plus ou moins directement de financement public. Et leur viabilité économique et leur déploiement à différentes échelles dépendent aussi du cadre politique et juridique qui définit le contexte de concurrence dans lequel elles conduisent leur activité. Donc qu'elles soient coopératives ou associatives, elles relèvent du domaine strictement commercial ou non, ces plateformes se déploient dans un jeu de concurrence avec d'autres acteurs commerciaux ou associatifs ou à but non lucratif, dont les règles sont fixées par les pouvoirs publics, entre autres, et que les plateformes, par les publics et qui sont aussi influencées par d'autres acteurs, que les plateformes elles-mêmes, les personnes qui travaillent et qui utilisent ces plateformes, peuvent influencer seulement de manière limitée et sous certaines conditions. Donc voilà, je m'intéresse en particulier au rôle que les pouvoirs publics peuvent jouer dans la mise en concurrence de ces plateformes coopératives. Notamment organisé autour des communs, dans un sens qui irait vers le soutien de leur viabilité économique ainsi que leur essor. Donc, par rapport à la plateforme française, Donc, jusqu'en 2020, elle était chapeautée et gérée par l'association Open Food France, voilà, qui compte parmi ses soutiens financiers la région Île-de-France et la ville de Paris, aux côtés de la fondation Daniel et Nina Carasso, ou encore la fondation Massif. Et au vu de l'essor de l'activité commerciale de la plateforme, qui s'est poursuivie en particulier durant la pandémie de Covid, des décisions furent prises pour autonomiser la plateforme de l'association Open Food France, donc pour en faire une coopérative au statut, voilà, comme je l'ai dit, de société coopérative d'intérêt collectif. Et donc parmi les raisons données pour ce changement de statut, il y avait la volonté d'indépendance de la plateforme par rapport à l'association Open Food France, qui par ailleurs existe toujours et s'est spécialisée dans d'autres services, mais il y avait aussi la volonté de gérer cette plateforme comme, je cite un enquêté, une entreprise normale. Donc en pratique, cela veut dire que la plateforme peut et doit désormais compter sur des sources de financement différentes, donc qui sont en l'occurrence notamment les parts achetées dans le cadre du sociétariat de la SIC, des sources de financement par appel à projet également, mais aussi une commission sur les ventes qui sont effectuées à travers la plateforme, donc qui récemment est passée de 1% à 3,5%. Voilà. Donc aussi, avec ce changement de statut, la plateforme doit désormais se conformer à des réglementations différentes en matière de fiscalité, de concurrence, sur le marché et en termes de droit du travail également. Donc voilà, on peut voir que cette plateforme qui entre dans un nouveau cadre de concurrence plus commerciale fait face à des entreprises qu'on pourrait qualifiée comme justement d'une position dominante, donc notamment en termes de facilité à lever des fonds sur les marchés de capitaux, notamment en termes d'échelle en termes de dotation en ressources diverses. Donc, voilà, si par ailleurs la plateforme coopérative qui s'appelle Coop Circuit se distingue sur le plan symbolique, donc avec certains des utilisateurs exprimant leur soutien et leur fidélité à la plateforme pour ses valeurs en particulier et son projet politique, la plateforme reste aussi finalement compétitive en termes de coûts par rapport à d'autres plateformes dans ce même domaine, même si la viabilité économique de la plateforme est loin d'être assurée, et en ce moment il y a des expérimentations pour trouver d'autres modèles de financement, donc que ce soit du crowdsourcing au niveau des usagers, des appels à dons au niveau des usagers finaux de la plateforme, donc là au niveau des consommateurs, des consommatrices, mais aussi la possibilité de faire appel à des investisseurs a été mentionnée par une des membres du réseau en France. Donc voilà, dans le cadre de la plateforme aux États-Unis, donc on a plutôt, comme je l'ai dit, c'est une association, donc là on est dans un cadre de concurrence assez différent, donc c'est de la concurrence dans des appels à projets, à côté d'autres associations ou d'autres entreprises à but non lucratif ou à lucrativité limitée, et bien entendu, répondre à ces appels à subvention nécessite de mobiliser du temps, des ressources administratives et un certain capital social dont ces acteurs sont inégalement dotés. C'est une expérience qui m'a été transmise par notamment la fondatrice de l'Open Food Network aux États-Unis. Et pour dire aussi deux mots sur le modèle économique de la plateforme aux États-Unis, donc là on a un modèle de tarification différenciée selon la taille des usagers, donc en fonction du nombre de producteurs ou de la taille les volumes qui vont être vendus via la plateforme, et on a aussi je ne l'ai pas trop mentionné pour la plateforme française, mais par rapport au travail, on a 4 personnes qui contribuent régulièrement à la plateforme aux États-Unis, donc dont une seule est rémunérée par la communauté globale. Donc ça, cette personne, c'est celle qui s'occupe du support utilisateur de la plateforme. Mais sinon, le modèle enfin, le modèle économique de la plateforme aux États-Unis est intéressant, à mon sens, parce que voilà, il y a différents types de tarification pour avoir accès à la plateforme, mais il y a aussi, et ça c'est la volonté de, c'est la cofondatrice de la plateforme qui me l'a partagé, il y a aussi la volonté de faciliter l'accès à cette plateforme en offrant un accès gratuit à certains usagers qui seraient donc notamment les femmes, des petits producteurs, voilà, des producteurs qui viennent de commencer, et aussi voilà, pour les personnes racisées, etc. Il y a une volonté d'offrir un accès gratuit à ces personnes tout en ayant conscience que si c'est en échange de... Enfin, il y a un accès gratuit qui peut être donné en échange de temps qui pourrait être donné au maintien de la plateforme. Même s'il y a bien entendu une conscience que les personnes qui sont visées sont moins, ont moins de temps gratuit à donner à cette plateforme. Voilà, je passe maintenant à ces deux projets relatifs au passage à l'échelle des circuits courts alimentaires donc, que porte l'Open Food Network. Donc, en premier, voilà, sur celui d'interopérabilité des données. Donc, comme je l'avais mentionné en introduction, il y a à la fois des multinationales de l'agro-industrie et du numérique, donc comme les géants de la grande distribution ou les GAFAM, qui accaparent une part croissante de la valeur et des données produites tout au long de la filière alimentaire, donc ce qui se traduit par une concentration de leur pouvoir au sein de la gouvernance des systèmes alimentaires. Et voilà, il y a des collectifs citoyens issus de la société civile ou d'autres acteurs privés en général, qui cherchent à ébranler ces rapports de force. Donc, l'Open Food Network tente du moins de participer à ce mouvement de remise en cause de ce rapport de force en revendiquant et en agissant pour une interopérabilité des données dans le champ des circuits courts alimentaires. Donc voilà, ça c'est des revendications qui se matérialisent à des échelles nationales à travers deux projets. Donc le Data Food Consortium d'une part, porté par l'Open Food France, et de l'autre le Food Data Collaboration Project, donc qui est porté plutôt par les antennes anglophones du réseau, donc notamment Royaume-Uni, Australie et États-Unis. Donc ces deux projets qui respectivement cherchent à bâtir des standards ou un langage commun qui faciliterait le passage d'une plateforme de circuit court à une autre, soit le transfert de données liées au stock et aux commandes, par exemple, entre différentes plateformes. Et voilà, ce projet répond à un besoin réel des producteurs et opérateurs des circuits courts, donc ils n'ont souvent d'autre choix que de jongler d'une plateforme à une autre pour maximiser leur revenus. Donc voilà, comme l'a exprimé un de mes enquêtés, cette utilisation de diverses plateformes représente un coût significatif en matière d'efforts, de temps, d'apprentissage et parfois même d'investissement économique de l'exploitation en question pour la création, la plupart du temps externalisée, d'un logiciel adapté aux propres besoins de la ferme, par exemple. Et voilà, ce poids administratif qui est associé à l'utilisation de plusieurs outils numériques est considéré par certains et certaines comme une perte de temps aussi à consacrer au cœur du métier de paysan. À savoir une perte liée au temps passé derrière un écran plutôt que sur les terres. Voilà, donc, du point de vue de l'Open Food Network, ces projets d'interopérabilité des données visent aussi à permettre des économies d'échelle, une optimisation de la logistique des circuits courts alimentaires via la possibilité de mutualiser certains trajets de livraison. Voilà, au-delà d'un objectif de passage à l'échelle des circuits courts alimentaires, cette interopérabilité des données a ainsi pour but aussi d'augmenter la durabilité des circuits courts, donc qui est un sujet aussi assez débattu dans le domaine. Et là, je pense qu'il ne me reste plus trop. Plus trop quand ça a commencé. Ok, mais voilà, si je peux mettre juste en deux mots une petite critique par rapport à ce projet d'interopérabilité des données, en fonction des thèmes qui nous intéressent ici, c'est que voilà, on pourrait questionner la force d'un tel projet de plutôt que de permettre réellement le passage à l'échelle des circuits courts alimentaires, ne pas seulement permettre, voilà, dans un cadre plutôt fermé de la filière des circuits courts alimentaires, d'apporter un soutien technique, ou du moins enfin permettre, voilà, alléger un petit peu la charge de ces producteurs et productrices de circuits courts alimentaires via cet outil numérique, donc comme on peut le voir, qui n'est pas prêt à être saisi par les acteurs et les actrices des circuits courts alimentaires. Donc voilà, peut-être avant de conclure, si j'ai encore un tout petit peu de temps, sur les projets de tarification sociale qui sont soutenus par l'Open Food Network en France et aux États-Unis. Donc là, comme l'a indiqué une personne interrogée de Coop Circuit, il y a une demande croissante pour une tarification sociale dans le secteur des circuits courts alimentaires. Et la plateforme elle-même a été très sollicitée, entre autres par certains acteurs publics, pour la mise en place de certains systèmes de tarification sociale. Donc là, on est vraiment dans une démarche de tentative d'élargissement de la base sociale des circuits courts alimentaires, donc notamment et surtout du côté des consommateurs finaux. Donc il y a divers partenariats qui existent dans la plateforme. Je peux mentionner aussi une utilisatrice de la plateforme Coop Circuit qui a mis en place ce système de tarification sociale et qui, c'est anecdotique à ce stade et c'est vraiment pas particulier à son cas, mais qui dit qu'il n'est pas vraiment utilisé. Et il y a aussi une tentative d'utiliser la monnaie locale pour effectuer des paiements en circuit court via cette plateforme pour cette maraîchère en particulier. Donc à ce stade, c'est assez difficile de saisir à quel point ces systèmes de tarification sociale sont développés et effectivement utilisés. Et des dernières petites choses par rapport aussi à la manière dont ces modèles de tarification sociale peuvent être encodés dans la plateforme. Donc, à titre d'hypothèse seulement, une personne interrogée faisant partie de l'équipe de Coop Circuit a évoqué la possibilité de coupler la plateforme française Coop Circuit avec les données et les profils des bénéficiaires de minima sociaux, donc tels que la CAF. Et l'idée serait de pouvoir se connecter sur la plateforme avec son profil et son compte rattaché à la CAF pour pouvoir bénéficier selon son profil de certains tarifs, donc prix solidaire ou autre. Ce qui représente à mon avis des enjeux assez importants en matière de surveillance et de gouvernance algorithmique de ces allocataires de minima sociaux. Et aux États-Unis, on a une implication un peu plus importante des pouvoirs publics dans ces projets ces modèles de tarification sociale, notamment via le programme fédéral de food stamps, où il y a aujourd'hui de plus en plus de projets qui visent à permettre le paiement en ligne, notamment dans les circuits courts alimentaires avec ces food stamps. Je lance un peu des pistes, ce serait définitivement à creuser et puis je serais contente d'en discuter avec vous. Et juste pour conclure, donc je voulais ouvrir un peu la perspective de l'alimentation comme commun, où l'alimentation et toutes ses composantes, considérées comme commun, un peu se situer à la marge du couple marché-État, mais qui en dépend tout à la fois. Et là, je rejoins... si on veut regarder vraiment les besoins actuels des producteurs, des productrices en circuit court alimentaire, je pense qu'au-delà de la plateforme en elle-même, il faut penser aussi à des projets comme on l'a mentionné plus tôt, de coopération entre les différents communs, donc notamment du point de vue de l'usage et de l'accès du foncier, de l'accès aux machines, etc. Et il y a nombreuses initiatives qui existent en ce sens, donc Bon, voilà, faut, je vais pas donner d'exemple, mais l'idée, voilà, serait aussi de créer des coopérations entre ces différents communs et initiatives coopératives qui existent. Voilà. Merci.